Nous sommes dimanche 7 novembre 2021. C'est le moment de suivre le journal en langue française. Voici d'abord les grands titres. Le réseau des institutions des microfinances au Burundi, RIM, interpelle la population burundaise, surtout celle qui conserve toujours l'argent chez soi, de faire des épargnes dans l'intérêt d'économiser afin de prévoir ses besoins futurs, mais aussi d'accroître l'économie de l'entreprise. Comme tous les dimanches, vous aurez droit à une chronique nutrition. Aujourd'hui, ce sera sur le fruit connu sous le nom de pamplemousse avec le chercheur nutritionniste Jean-Paul Ouinez. Et vers la fin de ce journal, ce sera sur l'actualité internationale dans un sommet prévu ce dimanche des chefs d'État de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO en sigle. Les détails, c'est dans quelques secondes. Au micro, vous êtes avec Ornella Mucho. La mise en onde est assurée par Albert Ndouayo. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Page environnement pour débuter ce journal. Une pluie mêlée de grêle a détruit ce samedi les cultures de champs de bananeraies, haricots et maïs sur les sous-collines de Gwamagacha, Mugeru et Miyove. Des collines Nyemhundu de la zone Nyemakarabo dans la province Chibitoke. Les victimes de ces intempéries n'espèrent plus de récoltes et craignent la famine. Elles demandent d'être assistées. Julienne Ndaihaya, administrateur de la commune Mugina, déplore la situation qui traverse sa population, qui était jusque-là dépourvue de moyens. Elle demande à la population de faire preuve de solidarité dans cette situation difficile. Il y a 3 ans, il y avait glissement de terrain qui avait causé des dégâts matériels et humains, dont plus de 28 personnes qui ont succombé sur place. Éducation à présent, diminution des cas de grossesse en milieu scolaire et de mariage précoce chez les écolières et élèves filles de la province scolaire de Rutana, du moins sur une période de 2 dernières années. Pendant l'année scolaire 2019-2020, elle a été enregistrée 55 cas de grossesse, 50 cas de mariage précoce. Au moment où l'année scolaire dernière 2020-2021, c'est 43 cas de grossesse et 25 cas de mariage précoce. Toutefois, malgré cette diminution, la chargée de la planification à la direction provinciale de l'éducation à Rutana indique qu'il y a encore à corriger, d'où elle invite les écolières et les filles de Rutana et d'ailleurs à éviter à tout prix les grossesses en milieu scolaire et les mariages précoces. Le point avec Gérard Nibigira. Les statistiques fournies par la chargée de la planification à la direction provinciale de l'éducation à Rutana, Madame Louise Nshimirimana, font état de 55 cas de grossesse en milieu scolaire, à savoir 22 cas pour l'école fondamentale et 33 cas au poste fondamental, et cela pour l'année scolaire 2019-2020. Elles font état aussi de 50 cas de mariage précoce des jeunes filles, dont 20 pour l'école fondamentale et 30 au poste fondamental pour la même année. Quant à l'année scolaire dernière 2020-2021, 53 cas de grossesse, dont 18 pour l'école fondamentale et 25 cas au poste fondamental. Il s'agit en plus de 25 cas de mariage précoce de jeunes filles, c'est-à-dire 7 cas pour l'école fondamentale et 18 cas pour l'école poste fondamentale. Même s'il s'observe une diminution des cas de grossesse et de mariage précoce chez les écolières et élèves de la province scolaire de Rutana, Madame Louise Nshimirimana, chargé de la planification dans cette province, indique qu'il y a encore beaucoup à faire dans ce domaine, d'où elle invite les jeunes écolières et élèves à éviter à tout prix les grossesses en milieu scolaire et les mariages précoces. En tant que maman, je conseillerais à ces jeunes filles de continuer leurs enseignements jusqu'au bout, l'enseignement secondaire, l'enseignement supérieur, de contrôler leur santé sexuelle et de suivre surtout les conseils qui leur sont prodigués par leurs parents, par les éducateurs et par la communauté pour mieux se préparer au beau foyer, d'éviter des mariages précoces, d'autant plus qu'elles sont sujettes à plusieurs maux après un mariage précoce ou après avoir contracté une grossesse précoce. Elles peuvent attraper certaines maladies, notamment les IST, le VIH, SIDA. Elles sont maltraitées dans la communauté. Certaines sont renvoyées et sont même sources de conflits sociaux. Et les rappeurs ont indiqué qu'abandonner l'école est une grande perte pour l'éduquer lui-même, ses parents et le pays, et les conseillent à plutôt s'adonner aux études jusqu'au bout et penser à autre chose par après. De Rutana, Gianni Bigira pour la radio Isanganiro. Isanganiro, la radio de l'avenir. À 13h02, poursuivons ce journal par la page économie. L'épargne permet d'économiser afin de prévoir ses besoins futurs et d'accroître l'économie de l'entreprise, ce qui contribue au développement du pays. Cela a été dit ce vendredi par le responsable du comité de surveillance au sein du réseau des institutions des microfinances au Burundi. C'était lors de la célébration de la journée internationale de l'épargne. Alain Gachaka appelle ceux qui conservent l'argent chez eux de changer de mentalité. Suivez-le. On considère les montants qu'on a déjà épargnés en décembre 2021 qui s'élèvent à 319 milliards. Il me semble que ça serait un chiffre relativement élevé. Mais si on considère la population du Burundi, ce n'est pas encore assez suffisant pour permettre à ce que les crédits soient disponibles à des taux très, très abordables. Et là encore, pour générer assez de capitaux pour les investissements futurs. Mais si on considère l'évolution de 2011, quand on était encore à 67 milliards, qui ont passé à 319 milliards, on peut saluer l'effort réalisé par les différents acteurs. Ainsi, malgré les efforts observés, nonobstant de signaler qu'au Burundi, beaucoup d'efforts sont à consentir, car les taux d'épargne restent toujours faibles. Je remercie encore une fois les braves dames ou les braves messieurs des collines qui sont assez dynamiques pour épargner en vue de la réalisation de leurs objectifs socio-économiques. Radio Isanganiro, chronique nutrition. Le pamplemousse est un fruit qui prévient et qui guérit différentes maladies, dont la constipation, le cancer et autres. Jean-Paul Wineda, chercheur nutritionniste, indique que ce fruit est très riche en vitamine C. Pour le traitement, la cure exigée du pamplemousse doit être consommée pendant des semaines. Le point avec Omer Ndouayo. La fois dernière, on vous a parlé de la composition du pamplemousse. Aujourd'hui, c'est le tour de ses bienfaits sur la santé humaine. Jean-Paul Wineza, chercheur nutritionniste, explique que la consommation du fruit ou du jus de pamplemousse intervient dans la diminution du poids chez les obèses. On peut utiliser du pamplemousse grâce à sa teneur en vitamine C et en flavonoïdes. Il stimule les fonctions du système immunitaire d'une manière semblable à celle de l'orange. En cas aussi de l'obésité, on peut faire recours au pamplemousse. En raison de son action dépurative et désintoxicante, il est un bon complément de l'alimentation de toute personne sur état mensure. Si vous voulez diminuer votre poids, vous pouvez utiliser du pamplemousse parce que le pamplemousse contient des fibres végétales alimentaires qui luttent ou bien qui protègent l'absorption de mauvaises graisses, de mauvais lipides comme ça, qui entrent dans notre circulation sanguine. Jumelé à une consommation de thé vert, poursuit le chercheur, la consommation du pamplemousse serait associée à une plus forte diminution de l'incidence des cancers. Le pamplemousse, c'est un protecteur du cancer. Ça joue un rôle protecteur du cancer. La combinaison de la vitamine C, la pectine et les limonoïdes exerce une action de prévention du cancer car elle empêche l'action d'un grand nombre de substances cancérigènes. La consommation du pamplemousse ne dure que 2 semaines, explique toujours Jean-Paul Huynez. On peut avoir une kir du pamplemousse. Elle peut être effectuée avec le fruit ou avec son jus. Il faut commencer par prendre un pamplemousse le matin à jeun, c'est-à-dire fruit frais ou le jus qui est frais. Le lendemain, deux, et ainsi de suite jusqu'à cinq. Au bout de 5 jours, nous diminuons la dose en réduisant d'un pamplemousse jusqu'à un fruit par jour. Dès lors, nous continuons à 5 jours en prenant un pamplemousse tous les matins jusqu'à ce que nous ayons fait des semaines de cure. Le chercheur estime que le pamplemousse n'est pas assez cultivé au Burundi et interpelle les Burundais à ne plus l'ignorer, tenant compte de ses vertus sur la santé humaine. Actualité sportive, la formation de handball Sisters vient de remporter la finale du tournoi d'ouverture de handball en mairie de Bujumbura après avoir éliminé l'équipe de Lumuri sur un score de 16 buts à 9. Côté masculin, les équipes de SOS et Inhuari s'affrontent pour le moment lors des matchs comptant pour la demi-finale. Équipe de Sisters a battu Ambassadeurs sur le score de 24 à 4. Et Lumuri a éliminé Galaxy 21 buts à 10. Actualité internationale. Un sommet extraordinaire des chefs d'État de la communauté économique des chefs des États plutôt de l'Afrique de l'Ouest, CDAO, s'ouvre ce dimanche 7 novembre à Accra, au Ghana. Il sera consacré à la situation en Guinée et au Mali, où des militaires ont pris le pouvoir via un coup d'État. Les chefs d'État de la CDAO partagent la même préoccupation qu'il faut un retour à un ordre constitutionnel en Guinée et au Mali avec l'organisation d'élections transparentes. En quelques mois, il y a eu des coups d'État au Mali et un en Guinée. De lieutenant-colonel à la tête de deux pays de transition politique en cours. À Accra, les discussions vont notamment tourner autour de la durée du pouvoir militaire dans les deux pays. Au Niger, le président a décrété deux jours de deuil national à partir de vendredi, après qu'au moins 69 personnes ont été tuées dans une attaque menée par des insurgés islamistes présumé, comme nous le trouvons sur le site internet de RFI. Et en Irak, le premier ministre échappe à une tentative d'assassinat au drone, selon toujours ce site internet de RFI. Il a été la cible d'une tentative d'assassinat ratée commise dans la nuit de samedi à dimanche 7 novembre au moyen d'un drone piégé qui a visé sa résidence dans la zone verte, a indiqué son bureau. Un drone piégé a tenté de viser la résidence qui n'a pas été blessée dans cette tentative d'assassinat ratée. Et c'est par ici que nous mettons un point final à ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci également à Albert Ndouaye pour sa parfaite collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Ornella Moucho.